Füße des Herrn. Therefore, happy to hear, que rapide s'éclaire. La foudre claire, elle est passée. Thank you. Thank you. fidèle à l'amitié dont il connut le prix, par-delà le tombeau, qu'il en goûte les charmes. Portons-lui le tribut de nos cœurs attendris. De fleurs, de baisers, de larmes, couvrons ces précieux débris. Donnons un dernier mot à cette auguste cendre. Ami, tu n'es point mort, ton âme est dans les cieux. Ce mot sacré, tu dois l'entendre. autour de lui, formons encore ces nœuds, symbole du lien le plus pur, le plus tendre.